moi que tu t'en allais, de ton petit sourire qui m'emballait. Sans toi, je me laisse aller. Je vais vivre mes rêves, bébé, andalé. Je le sais, on s'aime pas, mais s'il te plaît, reste sympa. Tu veux les clés de mon cœur, mais tu te respectes même pas. Tu veux quoi, m'en fous mon oseille. Tu parles avec les gens autour de moi, et c'est toi qui me donnes des conseils. Je crois vraiment que tu te fous de moi. Je te trouve très belle, belle, belle, mais je suis dans mon del, del, del. J'ai l'habitude d'être seul, seul, seul. Rester sans nouvelles, belle, belle. Je te kiffe mademoiselle. J'suis tellement fou d'elle. Tellement fou d'elle que je l'emmène à l'hôtel. Elle est dans son bel. Elle cherche un beau gosse qui a de l'oseille. J'lui donne un fauteuil. J'lui donne un fauteuil parce qu'au fond j'm'en fous d'elle. Ma vie, j't'aime bien. Commence pas à faire mal à la tête. Tu me zappes, vas-y. Ça me fait rien. Pour toi ce soir j'fais la fête. J'en ai vu des filles. J'ai sûrement trouvé la bonne. Mais depuis le début j'ai pas quitté la zone. Elle croit que c'est quand j'ai besoin que je la fonne. Mais c'est pas pour ça, fais pas la conne. J'te trouve très belle, belle, belle. Mais j'suis dans mon del, del, del. J'ai l'habitude d'être seul, seul, seul. Je m'en fous d'elle.